l'enfer, les villages s'embrasent, les cœurs s'éclairent. Frappe la peau, la caisse claire, les voilà. Écoute semonce, coûte semonce, en avant les semences. L'existence précède l'essence, un cri dans la nuit, dans ce printemps qui bourgeonne les espoirs se taire. Tel brassin qui fermente dans les caves de nos âmes inquiètes, bulle après bulle, révélant nos aspirations et nos quêtes. Chaque homme est un choix, dans un monde sans foi, nos voix s'élèvent entre désespoir et joyeuse montée de sève. Les clochers de la haine guettent le ciel tels des vigiles, dans ces quartiers nos rimes rurales coulent vives et agiles. Wallonie en sourdine dans le concert des nations, comme une note qui s'efface sous les ovations. La vie sans musique est une erreur, disait l'autre. Dans nos flots, la vérité, on la balaye. Et dans l'écume de nos jours, l'amertume parfois s'invite. Mais dans chaque gorgée de vie, une douceur habite. Les bites résonnent, et que de nos souffrances, nos désirs, espoirs, fantasmes, et bientôt déjà les regrets, en langue des oiseaux. Dans le croissant fossile, la friche industrielle de l'Europe, dans nos parfums de friture, repus sur les parvis par le tableau de nos bienfaits garnis, telle vanité de la grande peinture que choyaient autrefois les artistes de nos Pays-Bas méridionaux de jadis en renaissance. On aspire à brasser demain dans les cuves de l'espérance pour que germe enfin dans nos vers l'espérée renaissance. Je te sens sur ta faim, un dernier verre pour la route. En fait non, désolé, y a plus de place. C'était le verre de trop. À mon avis, c'est la fin.